Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. C'est Marc Bouchard qui est au micro cette semaine. Une émission un peu spéciale parce que je vais faire l'émission absolument tout seul. Mon ami Luc Desormeaux, souffrant d'une otite, ne pourra pas être avec nous cette semaine. Évidemment, j'espère que l'émission va quand même être intéressante. Je vous avoue que j'ai décidé de tenter une expérience un peu différente et j'ai invité une collaboratrice à se joindre à moi pour le deuxième bloc de cette émission-ci, au moment des essais, entre autres. Donc, vous aurez l'occasion d'entendre une collaboratrice. J'en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez ce que ça va donner un peu plus tard. Et évidemment, on a bien hâte d'entendre vos commentaires sur cette nouvelle collaboratrice. Je vous dis, c'est un peu particulier. Mais vous verrez bien tout à l'heure de quoi il est question. Dans cette émission aussi, bien évidemment, on va parler de nouvelles d'actualité automobile parce qu'il se passe pas mal de choses sur la scène automobile, même si ce n'est pas directement lié à l'automobile comme tel. C'est lié parfois à la technologie et à ce qui se passe dans d'autres mondes. Et on va faire l'essai de la Jaguar F-Pace 25T Premium, une voiture de 50 000, 51 000 $ à peu près, un utilitaire sport extrêmement populaire qui en est à sa deuxième année d'existence et qui est le véhicule le plus vendu chez Jaguar. Donc, un véhicule qui fonctionne absolument très, très bien. Donc, je pense que vous allez apprécier cet essai-là, que je vais faire avec mon invité d'ailleurs. Je vous en dis pas plus. Je vais juste vous teaser, qu'on dit, vous titiller un peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais d'ici là, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais et je vais parler d'un concessionnaire. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion hier soir d'aller assister à l'ouverture d'un nouveau concessionnaire Ford à Saint-Basile-le-Grand. Et là, c'est particulier parce que j'ai été impressionné et c'est rare que je le suis. Écoutez, un concessionnaire, c'est un concessionnaire. Vous allez me dire, là, c'est une salle de montre et c'est tout. Dans ce cas-là, c'est vraiment un tout autre monde. Ce sont deux jeunes entrepreneurs, M. Bilodeau, qui s'appelle Charles-André Bilodeau et Étienne Borja, deux hommes d'affaires qui sont associés dans un groupe qui s'appelle le groupe Chrono. Et ils sont entre autres propriétaires de d'autres concessions de d'autres marques, là, Kia et des trucs comme ça. Et ils ont investi 8 millions de dollars dans une concession Ford qui est la première au Canada à utiliser le principe qu'on appelle signature. Signature, c'est la nouvelle image de marque de Ford. Vous allez me dire, ouais, c'est toujours ça qu'on retrouve, des nouvelles images de marque et tout. C'est vrai, mais dans ce cas-ci, c'est très particulier parce que on n'a pas l'impression de rentrer dans une concession traditionnelle. C'est vraiment assez spectaculaire parce qu'on mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le client. Quand j'ai parlé aux deux propriétaires, c'était d'ailleurs leur première préoccupation. Eux, ce sont des gars de char. Dans le cas d'Étienne Borja, M. Bilodeau, je sais moins. Charles-André Bilodeau, je sais moins. Mais Étienne Borja, je sais que c'est un pilote de course qui a fait de la course dans différentes catégories au fil des ans. Donc, c'est un gars de char, c'est un gars qui aime l'automobile, mais qui aime aussi les gens qui aiment l'automobile. Et ce qu'ils ont fait, c'est vraiment une salle de monde destinée à recevoir la clientèle. Alors, vous avez là de grands espaces. Il y a un bistrot santé. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent un peu de l'ordinaire dans le cas de cette concession. Une concession qui fait 35 000 pieds carrés. Il y a, je ne sais pas combien de baies de service. Il y a même deux baies spécialisées pour les camions. Ça va. Mais bon, bistrot santé, salle de gym avec des douches, une salle de jeu pour enfants et tout à l'intérieur est connecté. Vous avez des écrans de diffusion partout. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était très particulier. Et pour avoir discuté avec les deux hommes, c'est exactement leur priorité. J'en ai profité aussi pour leur poser une question qui m'apparaissait importante parce que ce sont deux hommes d'affaires, c'est pas des fous, c'est des gars qui ont investi des grosses sommes d'argent dans la compagnie Ford et je leur ai demandé comment ils se sentaient suite à la décision de Ford d'abandonner ses berlines, entre autres. J'avais posé la question d'abord à Christine Hollander, qui est de Ford, justement, qui est la représentante de Ford, mais elle me disait, ouais, mais tu sais, c'est pour avancer. Mais évidemment, c'est la représentante de Ford, on s'y attendait. Alors que là, dans le cas des deux hommes d'affaires, eux sont extrêmement enthousiastes. Ce sont des jeunes entrepreneurs. Et eux autres, ils disent, écoutez, l'idée derrière une business, c'est d'aller vers quelque chose qui marche. Alors c'est ça, donc on a décidé de garder ce qui marchait, c'est-à-dire les camions, les VUS bien entendu, c'est ça que les gens veulent. Alors pour eux, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est surtout intéressant en fait, c'est que Ford va se tourner vers des véhicules électrifiés et ça pour eux, c'est la voie de l'avenir, du moins selon les deux entrepreneurs. malgré ce désir de se tourner vers l'électrification, faut quand même ne pas négliger que lors de l'ouverture, où on avait invité des centaines de personnes, là, il faut le préciser, on avait quand même sur place des véhicules assez exceptionnels, entre autres deux Ford GT, une de la génération 2002-2004 là, dans ce coin-là, qui est aux couleurs de Golf, le fameux bleu pâle et orange que l'on connaît si bien. Une voiture que celle-là, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer. Et l'autre, c'était la nouvelle Ford GT. Donc, vraiment un véhicule qui est, ma foi, assez surprenant, qui est magnifique en termes de vue. Malheureusement, on ne pouvait pas s'approcher trop, mais bon, il était quand même là. Il y avait aussi une autre étoile sur place, en plus, bien sûr, des représentants de Ford, là, entre autres du vice-président qui était là, vice-président des ventes, bon, des choses comme ça, et M. Pierre Trudel, qui est directeur général de Ford du Canada pour la région du Québec. Mais il y avait sur place la Ford Mustang Bullitt, la première fois qu'elle apparaissait au Québec. Cette voiture-là, c'est une voiture qui réincarne littéralement la fameuse Bullitt qu'on a utilisée en 1968 pour Steve McQueen dans le film du même nom. Rappelez-vous la célèbre poursuite dans les rues de San Francisco. Une voiture qui avait été présentée à Détroit par la petite fille de M. Steve McQueen, Molly McQueen elle-même, à l'intérieur d'un film où elle faisait une poursuite contre un Charger pour une place de stationnement. Mais là, on avait vraiment la vraie voiture. Écoutez, c'est sûr que c'est une Mustang Bullitt, donc elle est disponible en vert comme dans le film, ou en noir. Ce sont les deux seules versions qui sont disponibles, en nombre limité, bien entendu. V8 5 litres, qu'on a un peu remodelé, bien sûr. 475 chevaux et 420 livres-pieds de couple. Moi, ce que j'aime, c'est que dans la fiche technique, on dit qu'il produit au moins 475 chevaux et 420 livres-pieds de couple, ce que je trouve quand même très drôle. Alors évidemment, le reste, ben, on a repris le vert Highland de l'extérieur avec des appliques chromées un peu partout, histoire de redonner le style d'antan. C'est vraiment pas une Mustang bling-bling, là, comme on en a vu de différentes versions. C'est une Mustang qui est beaucoup plus sobre, histoire de rendre justice à ce qui se faisait à ce moment-là pour le film Bullitt. Donc, c'est vraiment une voiture qui est superbe. Écran CL de 12 pouces, volant gainé cuir, et on a même le levier de vitesse avec la petite boule au bout qui est blanche, histoire de rappeler la tradition. Je n'ai pas le prix de cette voiture-là. Elle sera disponible cet été. C'est le retour d'une voiture mythique, littéralement. Alors, c'était la première fois qu'elle apparaissait en dehors, ben, au Québec, disons-le, chez un concessionnaire, et ça valait la peine. Je vous avoue qu'elle est très, très belle. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler aussi d'un autre essai que j'ai fait cette semaine, le Mitsubishi Outlander PHEV. C'est le fameux plug-in hybrid de Mitsubishi que l'on attendait depuis longtemps, qui va super bien. C'est le véhicule le plus vendu de Mitsubishi pour le moment. C'est un véhicule qui est quand même assez dispendieux, on s'entend. On parle de 43 000 $ en frais de base, 49 998 en version haut de gamme. Malgré tout, c'est celui qui est le plus vendu de la gamme. Bon, qu'est-ce que c'est le PHEV? C'est tout simplement un véhicule qui a un moteur à essence, moteur 4 cylindres, même moteur de 117 chevaux qu'il y avait avant, qui manque un peu de puissance, il faut le dire, quand il est tout seul, mais il est appuyé d'un moteur électrique avec une batterie de 12 kWh, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui permet d'avoir une autonomie, entre autres, de 35 km en 100% électrique s'il est rechargé au complet. Rechargé au complet, sur une prise domestique, c'est 8 heures. Sur une prise, sur une borne de recharge, c'est 3h30. Et au bonheur, pour une hybride électrique, c'est une des rares qu'utilisent même les BRCC, là, les fameuses bornes de recharge rapide. Et à ce moment-là, vous avez 80% en à peu près 30 minutes. Donc, c'est, de ce point de vue-là, ça va assez bien. C'est un Outlander avec tout ce qu'on connaît du Outlander traditionnel. Donc, un véhicule qui est un utilitaire sport de bonne taille. Évidemment, dans ce cas-ci, pour céder la place aux batteries, il a fallu sacrifier la troisième rangée. On sait que l'Outlander dorénavant est disponible avec trois rangées, donc en option en tout cas. Donc dans ce cas-ci, il n'y a pas de troisième rangée, donc on a limité un peu l'espace de chargement. Pour le reste, quand vous le regardez de l'extérieur, c'est clairement un véhicule qui ressemble à s'y méprendre au Outlander traditionnel, à l'exception des quelques étiquettes PHEV qu'on retrouve partout. Pour le reste, c'est un véhicule à l'intérieur aussi dont on a réaménagé le tableau de bord. Les commandes sont un peu différentes. On s'entend pour dire qu'il y a évidemment tous les fameux cadrans là, où l'on voit la progression de l'électricité, où elle va, qu'est-ce qui force. On a aussi différentes options qui nous permettent de choisir un mode 100% électrique quand la batterie le permet, bien entendu, qui nous permet aussi de voir si on veut charger la batterie. Donc, par exemple, quand on roule sur autoroute, on est à une certaine vitesse, on peut utiliser le moteur à essence pour recharger partiellement la batterie. C'est pas très rapide, évidemment, mais ça nous permet, quand on fait quelques centaines de kilomètres, d'arriver à destination dans une ville et de passer en mode électrique sans compromis. Et ça, c'est intéressant. Il y a aussi l'option Save qui nous permet justement d'économiser l'électricité. Donc, quand on est sur autoroute, on ne veut pas utiliser pour rien cette électricité-là. On veut la conserver pour la zone urbaine. Avec le mode Save, on est capable de le faire. Et la beauté de la chose, c'est que comme il y a deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière, on est capable de contrôler le rouage intégral en l'utilisant de façon électrique. C'est donc un rouage intégral 100% électrique dans certaines conditions qui fonctionne. C'est le fameux SAWC, bien sûr, donc on verra ce qui va se passer pour la suite parce que ce SAWC, qui est jumelé à un moteur électrique, est toujours fonctionnel, mais l'an prochain, on nous a promis des améliorations. Entre autres, on va augmenter la puissance du moteur 4 cylindres qui va passer de 2 à 2,4 litres, plus de couple évidemment. On est supposé offrir une meilleure autonomie électrique et le fameux AWC va gagner des modes de conduite sport et neige. Donc, ça va vraiment devenir un utilitaire sport. Reste à voir si on l'aura aussi rapidement. On dit qu'il va être disponible d'ici la fin de l'année, peut-être au début de la prochaine. Mais dans l'ensemble, le véhicule actuel, qui est extrêmement populaire, là, il s'en est vendu 589 exemplaires au cours du mois d'avril de cette année, ce qui est quand même beaucoup parce que c'est le véhicule le plus vendu. Le deuxième, c'est le RVR et c'est vraiment exceptionnel comme réussite. Alors, de ce point de vue-là, c'est un véhicule qui va bien, qui est silencieux, qui est agréable. Évidemment, quand on n'a plus d'électricité dedans, manque un peu de puissance en accélération, mais dans l'ensemble, on le prend pour ce qu'il est. Le gros bémol, cependant, c'est que comme il y a un petit moteur, quand on n'a plus d'électricité, on parle de 9,2 litres au 100 en consommation. C'est énorme pour un véhicule qui se veut vert. Mais malgré tout, je pense que ça va relativement bien. Et si on est capable d'améliorer ça au cours de la prochaine année, bien là, ça va donner une option vraiment intéressante aux amateurs de voitures hybrides branchables. Alors voilà, c'est un bon coup du Mitsubishi Outlander PHEV. On aimerait un peu plus, mais en tout cas, c'est un bon départ. Alors là-dessus, on va faire une pause. Au retour de la pause, je vous l'ai dit, on va parler de la Jaguar F-Pace 25T Premium, un essai que j'ai fait. Un essai que je n'ai pas fait seul cependant et je vous présente aussi ma collaboratrice de la semaine et peut-être de plus, on ne sait jamais. Alors on fait une pause et on vous revient. Alors je vous l'avais annoncé en début d'émission, j'ai cette semaine une nouvelle collaboratrice, quelqu'un évidemment à qui je tiens beaucoup. J'espère, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. 22, oui. Tu vois, ça commence bien. Alors c'est Linda, c'est ma femme dont je vous parle très souvent parce qu'elle fait la plupart des essais avec moi. Et évidemment, c'est quelqu'un donc qui a eu l'expérience depuis le nombre d'années que je fais ça. C'est ma complice, celle qui est toujours assise là, qui conduit les voitures assez souvent aussi et qui agit comme passagère et qui n'a pas exactement la même vue que moi sur la plupart des véhicules. Salut Linda. Bonjour Marc. Je sens que ça va être drôle. Faut voir la face de Linda quand elle me dit un bonjour avec un petit sourire. Alors aujourd'hui, Linda, écoute, on va parler d'abord tantôt de la Jaguar F-Pace 25T qu'on a conduit, que tu as conduite, que j'ai conduit. Mais avant ça, il y a un sujet dont on a parlé nous-mêmes dans nos moments, pas d'intimité, mais en tout cas chez nous. Juste nous autres. Juste nous autres. Ouais. C'est les caméras de recul obligatoires. Alors on rappelle l'histoire, depuis le 1er mai, tous les véhicules construits pour le Canada sont obligés d'être dotés d'une caméra de recul. Ça veut dire toutes les versions de base, tous les véhicules. Évidemment, si vous allez chez votre concessionnaire ce matin et que celui qui est là n'en a pas, c'est normal. Il n'a pas été construit après le 1er mai, mais tous ceux qui sont construits après le 1er mai devront en avoir une. Et, bon, sur la plupart des véhicules qu'on conduit, il y en a une. Mais toi, Linda, tu n'es pas super d'accord avec la notion d'avoir une caméra obligatoire. Obligatoire, non. Je pense que c'est de donner trop de pouvoir à une voiture, c'est de un peu nous désensibiliser au fait qu'il faut être prudent, même si on recule, même si ma caméra, quand je recule, me fait bip-bip. C'est souvent en hiver, c'est sale. Tu vois pas quand tu recules. Tu n'as pas le choix de regarder là où tu vas de toute façon. Et si après ça, il vient qu'à frapper quelqu'un, ça va être la faute de qui? De la caméra de recul ou du passager qui n'a pas regardé? Bref, je trouve ça un peu trop. D'être obligatoire. C'est pratique, mais pas de là à arrêter de regarder en arrière quand on recule, d'assurer la sécurité des autres quand on est au volant de la voiture, même quand on recule. Ouais, mais il y a des gens qui regardent pas. Je veux dire, on va être réaliste, là. Il y a des gens qui vont compter sur ce genre d'affaires-là. De la même manière qu'il y a des gens qui comptent sur la stabilité électronique et de plus en plus vont compter sur des éléments de conduite autonome. Tu étais avec moi, bon, des gens qui ont vu ma vidéo sur Facebook où j'essayais la Cadillac Super Cruise. Je dois préciser que c'était toi la caméraman. Donc, tu l'as essayé toi aussi. Et bon, les gens vont inévitablement se fier à ça. Donc, il y a des gens qui sont peut-être pas aussi talentueux derrière un volant qui devraient prendre ce genre de système-là. Ben, juste exemple, la fameuse conduite autonome, l'auto qui se conduisait tout seul, c'est qu'à un moment donné, au début, c'est stressant, mais après ça, tu laisses aller le véhicule et tu deviens un peu moins attentif à la route, tu regardes moins ce qui se passe autour, tu deviens un peu blasé, c'est comme tu pourrais dormir, et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que l'auto peut, pour une raison X, Y, Z, de décider qu'elle arrête. Elle ne fonctionne pas sous la pluie. Nous, on a vécu avec la pluie battante. Le système n'est pas fonctionnel. Il ne peut pas lire les capteurs. Il ne le fait pas dans les villes. Il le fait seulement que sur l'autoroute. Je trouve que c'est trop de donner de pouvoir à une voiture et de déresponsabiliser un peu le conducteur. Mais qu'est-ce qu'on fait justement? Parce que, bon, écoute, on ne se le cachera pas, là, les résultats, les statistiques étaient là. De 2004 à 2009, il y a 27 personnes qui sont décédées au Canada parce qu'elles se sont fait écraser parce que quelqu'un reculait et ne les a pas vues. 27 personnes en 5 ans, c'est énorme. C'est 5 ou 6 par année. C'est beaucoup. On fait quoi pour éviter ça? Mais on continue à sensibiliser. Moi, je pense pas que la caméra de recul va aller tout régler. La caméra de recul, c'est un aide quand on est peut-être dans des endroits un peu plus serrés, quand on recule et la distance qu'il donne n'est pas nécessaire. C'est différent de la réalité. Alors, la voiture était beaucoup plus proche que ce que je voyais dans le miroir. Il reste qu'il faut quand même, quand on utilise le reculon, de s'assurer qu'il n'y a pas personne autour, de ne pas laisser la voiture décider qu'il est temps de passer. Donc, en résumé, faut continuer d'éduquer le monde un peu mieux, Oui. puis il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Ben, la caméra de recul, c'est un aide supplémentaire. C'est pas les yeux en arrière. C'est pas le conducteur qui est en arrière. Je pense que c'est un aide supplémentaire, mais de là à se fier qu'à la caméra de recul pour faire les manœuvres, non, ça, je suis pas d'accord. Et de la rendre obligatoire, le jeune qui va s'acheter une voiture avec une caméra de recul, dans 10 ans, va oublier qu'à l'époque, il fallait qu'il regarde en arrière quand il reculait. OK. Moi, Ben écoutez, c'est mon opinion. non, tout à fait correct. Et honnêtement, je suis pas en désaccord. Moi aussi, je pense qu'on doit maximiser l'éducation, la façon de conduire des gens, leur apprendre à mieux conduire. Caméra de recul est un outil, mais ce n'est pas le seul outil, évidemment. Puis il faut pas se fier 100% là-dessus. Non. Et en même temps, même si de plus en plus de caméras de recul, par exemple, ont les lignes pour nous indiquer dans quelle direction on s'en va, ça aussi, il faut se t'apprendre avec un grain de sel de temps en temps, là. C'est pas que c'est pas pratique, là. On s'entend, là. Je suis pas contre la caméra de recul, là. Au contraire, je trouve ça très pratique quand il y a des véhicules, quand soit on a des véhicules un peu plus gros ou les distances, on les connaît moins, c'est pratique. Mais il faut quand même que l'environnement autour, tu la regardes. Si tu te fies qu'à la caméra de recul, et non, moi, je suis pas. Faut pas oublier quand même, quand tu recules, de regarder en arrière. Les gens qui sortent ont bien de la misère avec ça. Ah, ben ça. On va changer de sujet un peu. On va tomber dans un sujet qui t'est un peu plus cher parce que, je sais pas, c'est pas. Tu dis toujours que quand on va magasiner, petite note domestique, Oups. quand on va magasiner, ce qui Bon. arrive trop souvent à mon goût, Ben oui. tu dis toujours que tu as les yeux riches. Ouais. Alors, évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'elle trouve toujours l'affaire la plus belle, la plus chère. Hein? Évidemment, tu as apprécié la Jaguar et t'aimes en général les Jaguars. Oui. Au cours des derniers jours, on a eu l'occasion de conduire le Jaguar F-Pace, c'est l'utilitaire sport qui est là depuis 2 ans. Nous, on avait la version 25T, OK? 25T, comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est doté d'un moteur 4 cylindres 2 litres. On pensait que c'était un 2,5, et non, aux surprises. Sauf que pour toi, le moteur, la grosseur du moteur, ça n'a pas vraiment d'importance. Qu'est-ce que tu aimes dans une Jaguar? Qu'est-ce que j'aime dans une Jaguar? Mon Dieu, le confort, J'ai tout, oui, j'ai les yeux riches, mais non, j'aime tout de la Jaguar, j'aime le confort, j'aime la conduite, j'aime là où tout est installé, parce que moi, j'ai besoin que ce soit facile. L'accès à la bouteille d'eau, le système d'audio, de sièges chauffants ou quoi que ce soit, parce que les sièges chauffants, c'est important dans ma vie. Il faut que ça soit facile d'accès. Alors, faut pas que j'aille un cours universitaire quand j'embarque dans une voiture. J'ai pas le temps. Faut que tout de suite soit friendly user en bon français. OK. Et dans le cas de la F-Pace, quand même, c'est un gros véhicule, là. C'est pas le plus petit des véhicules. Pas grave. Est-ce que tu as senti que ta conduite était intéressante malgré tout? Parce que le problème, en fait, c'est que souvent, on fait des utilitaires sport et on perd la personnalité de la conduite. Dans le cas du F-Pace, moi, personnellement, je trouve qu'on l'a presque réussi comme une voiture haute sur pattes. Mais toi, qui es plus du côté confort que du côté performance, est-ce que ça a convenu à tes besoins aussi? non, mais c'est ce que oui, c'est pour ça que je te marie aussi, c'est pour Le le confort, confort et mais la performance. la performance aussi, moins. Mais Okay. Ça, c'est un intermède un peu trop domestique à mon goût. Mais oui. Alors, évidemment. mais non, ça n'a rien enlevé. Au contraire, j'aime beaucoup BMW. Moi, les voitures que j'aime conduire, c'est BMW parce que j'aime la sensation qu'on a en arrière d'un volant. Et avec Jaguar, malgré le fait que ce soit confortable, les sièges sont moulants, que bon, il y en a qui avaient les systèmes de massage, il y en a qui avaient. Ça reste que quand tu tiens le volant, tu as une sensation de conduire un véhicule, tu as quelque chose dans les mains, tu n'as pas juste un bon divan, mettons. Okay. Pour les amateurs, on va seulement rappeler, je vous l'ai dit, c'est le moteur 4 cylindres 2 litres turbo compressé qui est dans la F-Pace 25T, 247 chevaux, 269 livres-pieds de couple, une transmission automatique 8 rapports. C'est un véhicule qui, effectivement, est le moins puissant de la gamme des F-Pace. Bon, ça va jusqu'au SVR, donc vous aurez compris que ça va jusqu'au très très puissant. Dans ce cas-là, cependant, on a voulu en faire un VUS relativement compact, intéressant. Bon, tu parlais d'ergonomie tantôt. Moi, j'ai aimé la conduite, je l'ai dit. Le F-Pace, depuis l'année passée, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Je trouve que l'ajout de ce moteur-là cette année, qui est aussi disponible en 296 chevaux, là, fait un bon travail. J'aime la conduite parce que on est proche d'une voiture, on a gardé un peu le dynamisme de conduite. L'intérieur, tu as parlé de l'ergonomie, le design. Pour ceux qui ont vu les Jaguar XE, par exemple, ben on est presque dans le même monde, là, avec un écran tactile qui fonctionne bien, avec bon, l'espèce de levier de transmission qui est une rondelle, en fait, qui Oui. s'élève quand on démarre. Ça, on aime ça ou on n'aime pas ça. Moi, il y a deux défauts. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Linda, de les essayer, mais parce qu'en général, c'est moi qui fais ça. Mais la valise en arrière, je trouve qu'elle est trop haute d'accès et c'est plus difficile de rentrer des choses. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est quand on est assis en arrière, les fenêtres tout petites et ça se ressent aussi dans la visibilité trois quarts arrière quand on regarde dans les angles morts. Je trouve que les fenêtres sont vraiment petites. Quand tu es assis en arrière, tu as l'impression de regarder dans un hublot, littéralement. Est-ce que ça t'a dérangé du point de vue de la visibilité? Je m'assieds pas en arrière. Non, mais en Mais conduisant. non. Au début, oui. Mais il faut savoir que j'ai une adaptation relativement facile depuis le temps où j'essaie des voitures. Alors, je pars de petits véhicules à gros véhicules, à très gros Et véhicules. dans ce cas-là, parle pas de moi. Non, non, non, Non. non, non, non, non. D'un F250 à une Mini. Bon, on s'habitue à la visibilité en arrière. C'est pas quelque chose, moi, personnellement, qui m'a affecté. Au début, oui, l'ajustement des miroirs a été un peu plus compliqué. Ma position de conduite a été un peu plus compliquée à trouver parce que on n'a pas la même position de conduite, toi et moi. Mais pour le reste, non. Je me suis aussi beaucoup un peu fiée à son détecteur d'angle mort qui Ah, était... tiens! Oui. Oui, son détecteur d'angle mort, je l'avoue, je l'avoue. Ce qui ne m'empêche pas de regarder en arrière quand même pour voir s'il y a une voiture qui s'en vient. Mais ça, j'ai trouvé. Non, un coup qu'on s'habitue, je pense, à ce genre. Si on aime la voiture, ça, c'est pour moi un détail. Et on s'habitue avec l'angle mort. En ce qui concerne la valise, malheureusement, j'ai pas pu. été faire l'épicerie avec toi cette semaine, j'en suis sincèrement désolée. Mais on sent toute la sincérité dans la voix. j'ai pas eu à regarder, à avoir accès à la valise. Fait que je peux pas répondre au sujet de la valise, mais je te dirais que pour la conduite, pour les angles morts, pour le fait premièrement d'être assis en arrière, je pense que ça, c'est, il y en a qui vont aimer ça, d'autres qui l'aimeront pas. Le même principe que pour le bouton de le levier en avant. T'aimes ou t'aimes pas ce genre de véhicule-là. Je pense que on retrouve les mêmes genres de fenêtres avec les BMW dans les petits utilitaires sport. La même façon d'embarquer en arrière. Faut pas que tu sois trop grand. Faut pas. Effectivement. T'aimes ou t'aimes pas. Juste un dernier détail, on parlait de détecteur d'angle mort, ça fait partie des équipements en fait que sur la Jaguar F-Pace. Il y a aussi bien sûr la caméra de recul, la détection du trafic latéral. Donc quand on sort de la cour, on ne sait pas comment il fait, mais il voit au travers de la haie et il est capable de détecter les voitures qui s'en viennent. Il y a aussi bien sûr le régulateur de vitesse adaptatif, régulateur de vitesse intelligent là, qui permet de garder la distance avec le véhicule devant nous. Et il y a l'aide au maintien en voie. Mais attention, la voiture ne corrige pas la trajectoire d'elle-même, mais elle va vibrer et elle va s'éclairer rouge dans le tableau de bord quand on traverse la voie sans clignoter. Alors Linda, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Et écoute, on va certainement reprendre ça. on va en discuter. avec un peu moins de détails la prochaine fois. Alors pour nous, on fait une petite pause et on revient après la pause avec un peu de nouvelles sur l'industrie automobile. Alors on est de retour après cette pause et je pense que j'ai créé un monstre parce que... Linda a voulu rester avec moi pour faire le bloc nouvelles. Donc, on va parler des nouvelles, bien entendu. Elle va probablement faire des commentaires en cours de route. C'est ma vie de tous les jours. Quand je parle, Linda fait des commentaires en cours de route. Et vice versa. Non, c'est bon. Première nouvelle, et ça m'a bien fait rire. Un radar pour détecter les gens au téléphone cellulaire. Et là, attention, c'est vraiment, on veut vraiment détecter quand les gens ont le téléphone en main. C'est une invention qui a été faite en Australie et ça fonctionne un peu comme un radar photo. Donc, l'appareil est placé en hauteur, prend une photo à l'intérieur de l'habitacle et de la voiture elle-même et est capable, avec un logiciel de reconnaissance faciale, de savoir si vous êtes au téléphone, si vous avez en main un appareil ou si vous avez même une oreillette Bluetooth. Une fois que ça c'est détecté, on va vous envoyer une facture. Dans ce cas-ci, on l'essaie en Angleterre. 135 livres, l'amende, donc évidemment. Pour moi, ça pose un problème et ça ne marchera pas chez nous pour une raison fort simple. Chez nous, on n'a pas le droit, quand on passe au radar photo, de prendre une photo du conducteur. C'est pour ça qu'on donne un billet à la voiture et non au conducteur pour le respect de la vie privée. Alors imaginez-vous, si on prend une photo de reconnaissance faciale, ça veut dire que si Linda un jour va quelque part et qu'elle n'est pas avec la bonne personne dans la voiture, puis qu'on se passe ça. On reçoit ça à la maison, sauf si c'est Patrick Dempsey, parce que là, évidemment... Ça, c'est une autre histoire. Alors, évidemment. N'attendez pas ça, mais c'est actuellement en test en Angleterre. De toute façon, je ne comprends même pas comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui se promènent avec le téléphone cellulaire. Moi, cette semaine, j'ai eu le plaisir de regarder une annonce de Saint-Hubert faite par Alexandre Tagliani, déguisé en livreur de poulet. Et j'ai ri des pauvres monsieur. Puis c'était pauvre monsieur, là. J'avoue que les gens qui étaient avec lui dans la voiture, ça devait pas être quelque chose d'évident. Les pauvres monsieur qui ont eu peur, mais c'était tellement drôle. J'ai trouvé l'idée bonne, même si on avait déjà vu le principe dans les années passées avec des pilotes de rallye, si je ne me trompe pas. Pilotes de NASCAR. De NASCAR, bon, c'est des pilotes. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. J'ai trouvé l'expérience des pauvres monsieur. Écoute, faut vouloir, là. Ouais. Les monsieur, il y en a un qui avait fait le 9-1-1 tellement il trouvait que... Là, il était fou un peu. Si vous avez la chance d'aller la voir, si vous ne l'avez pas vu, cherchez Saint-Hubert Poulet Tagliani, livreur. Elle est partout sur les réseaux sociaux. C'est vraiment... C'est à voir avec... C'est un petit bonbon de vidéo, là. Oui, il faut juste dire, en fait, rapidement, l'histoire, c'est qu'Alexandre Tagliani est engagé comme consultant pour aller former les livreurs. Oui. Et là, il est déguisé avec une barbe. Et il arrive et il explique sa théorie des trois O, là, l'organisation, l'opportunité et l'occasion de mémoire. Et c'est lui qui prend le volant d'une Toyota Yaris. Et à un moment donné, il dit, tiens, en parlant d'occasion et d'opportunité, en voici une. Et il tourne direct dans une espèce de chantier de construction sur un terrain sablonneux. Disons qu'après, il montre au monsieur comment ça se conduit une Toyota Yaris, effectivement. Alors, je ne suis même pas sûr que les messieurs regardent comment ça se conduit. Tu penses qu'ils sont accrochés après la poignée, puis ils rêvent de sortir de l'auto au plus vite, disons. Effectivement. Alors, évidemment, on vous invite à aller voir ça. C'est très drôle. Oui, effectivement, ça a déjà été fait avec Dale Earnhardt, ça a déjà été fait avec d'autres, mais c'est quand même drôle à voir. Oui, puis c'est fait avec quelqu'un de chez nous, c'est encore plus drôle. C'est ça. Alors là, si vous entendez du bruit en arrière, c'est qu'on est en train de faire un podcast en famille parce que les deux chiens que vous connaissez, parce que vous les avez entendus japper à quelques reprises, ont décidé de se joindre à nous. Alors voilà, c'est le podcast familial. Dans la série des autres nouvelles, Volkswagen qui a finalement confirmé la venue du Volkswagen Tiguan coupé. Évidemment, un look beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant. C'est ce qui se fait dans les autres. Les autres fabricants nous l'ont présenté déjà. Pense au BMW X4 ou X6, par exemple, et ce genre d'affaires-là. Donc, on aura ce genre de coupé qui va arriver pour 2019 en Europe. Il n'y avait pas Porsche aussi qui sortait un nouveau modèle? Porsche Cayenne, le E-hybride, en fait. La version hybride, un peu à l'instar de ce qu'on a fait avec la Panamera. C'est-à-dire qu'on a un moteur puissant, qui est quand même un moteur à essence. C'est un V6 3 litres de 335 chevaux. Mais on y ajoute une motorisation électrique. Dans ce cas-ci, on parle d'une pile de 14,1 kWh, puissance additionnelle de 134 chevaux. Ça fait donc 455 chevaux pour un Porsche Cayenne, ce qui déménage pas pire. 0-100, 4,7 secondes. Vitesse de pointe, 252 km/h. Évidemment, c'est plus élevé que ce qu'il y avait là. Mais tu la mets où, ta vitesse? Où c'est que tu roules 250 km/h? C'est la grande question, évidemment. C'est pas fait pour nous, la vitesse de pointe. C'est plus l'accélération rapide. Et on dit qu'on aurait une autonomie de 44 km en mode 100% électrique. Ça, c'est si tu roules pas 250 km/h. C'est si tu roules pas mais j'espère que tu roules pas 250, parce que ça se peut que tu perdes ton Cayenne à cette vitesse-là. Parce que s'il y a une police qui t'arrête, ça se peut qu'eux autres décident de le garder pour le... Mais en tout cas, non, je ne ferais pas ça. Je ferais pas ça. Et pour le moment, on n'a pas encore déterminé le prix, mais on estime que ça va être d'à peu près 90-95 000 $. Mais c'est le prix d'un Cayenne, on s'entend, et avec cette puissance-là, il faut s'y attendre. Il y aura aussi, évidemment, c'est un Porsche, donc avec tous les accessoires que l'on connaît, toute la conduite que l'on connaît, mais on intègre des affaires intéressantes, entre autres un pare-brise chauffant. Donc au lieu d'avoir strictement le fameux defrost avec air soufflé, c'est le pare-brise lui-même qui va être comme à l'arrière un peu chauffant. On va avoir un affichage tête haute. J'aurais compris pourquoi il n'avait jamais fait ça avant. Mais ils le font en fait, mais c'est parce que ça coûte cher, puis c'est compliqué et ça brise souvent. Okay. Et l'affichage tête haute, ça c'est facile. Et le dernier détail que tu vas sûrement apprécier, les sièges massants. Oh oui. Et ça devrait être obligatoire dans toutes les voitures. Sièges massants obligatoires. Plus que la caméra de recul. Si on commençait par les sièges chauffants obligatoires, ce serait déjà pas si mal. Mais ça s'en vient pas mal partout, les sièges chauffants. Je me rappelle à l'époque, c'était une option. Ça, puis le Bluetooth, ça vous rappelle à quel point, ça fait longtemps, j'ai acheté une voiture. C'était une option, le siège chauffant, le Bluetooth. Maintenant, ils viennent tous avec un Bluetooth et un système Bluetooth. Et habituellement, tous avec les sièges chauffants. Fait que c'est comme... Mais massant, ça, c'est une option qui devrait être obligatoire. Alors, vous avez compris sa priorité. Alors voilà, ouais. C'est ça qui met fin aux nouvelles pour cette semaine. Linda, je te remercie d'avoir participé avec moi à ce podcast. Probablement que tu vas faire d'autres apparitions en cours d'année. On va aussi essayer de faire des vidéos ensemble pour montrer au monde comment on conduit. Enfin. Comment on se conduit. aussi. Évidemment, là-dessus, on vous remercie d'avoir été avec nous. On espère que Luc va être de retour la semaine prochaine, que sa santé va être mieux. Parce que le pauvre Luc faisait une otite. Mais oui, pauvre Pete. Mais remarque qu'il aurait pu le faire, il m'aurait pas entendu, ça y aurait fait du bien. vu de même, là, moi, je seconde. Alors évidemment, on vous invite à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, on est disponible sur Google Play, sur iTunes pour ceux qui ont Apple. On est disponible sur sportradio.ca, sur groupe Radio Média Plus notamment. Bien sûr, sur le site saroulradio.com. Vous pouvez aussi nous écrire à info@saroulradio.com. On a aussi un compte Twitter, Saroule Radio, une page Facebook, Saroule Radio. Et vous pouvez me rejoindre par... sur Twitter, c'est Marc_Bouchard. Sur Instagram, c'est Bouchard_Marc. Et bien entendu, il y a mon blog, marcbouchard.ca. Pour le reste, vous nous envoyez vos questions et vous nous écoutez. Et ça, c'est nos chiens qui viennent faire la conclusion avec nous. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!